Au jardin d'enfants de Gyeongsang à Pyongyang, il y a eu le 14 juin le rendez-vous d'amitié avec les participants au 24e concours junior international de piano Chopin. Y ont pris part les membres de l'association d'amitié Corée-Pologne, les quatre intéressés et les jardinières d'enfants. Y ont été invités l'ambassadeur polonais et ses collaborateurs, ainsi que les officiels des représentations diplomatiques et des institutions internationales en Corée. Les paroles ont été suivies des démonstrations de Masina et de Han Suryo, qui ont montré leur talent exceptionnel au 24e concours junior international de piano Chopin.